L'anniversaire des participants à la 7e conférence de la Fédération Générale des Syndicats de Corée a été fêté le 27 courant à l'hôtel 25 avril à Pyongyang.